Je dédie cette chanson à tous les enfants abandonnés dans le monde entier. Papa, oh, papa miate, papa, oh, Daniel et Missé Wanika. Papa, oh, papa miate, papa, oh, Daniel Takise Wanika. Oya ibongo bana. Oko kisena babo, bonde poino, unichaka ndimbutango. Oba inyongo muto, mwala lomambu mwadiba. Bonde poino, eh, onidiyande muyango, eh. Oh papa, comment peux-tu abandonner ta progéniture? Oya ibongo bana. Oko kisena babo, bonde poino, unichaka pembo tango. Oba inyongo muto, mwala lomambu mwadiba. Bonde poino, eh, onidiyape mungyango, eh. Papa, oh, papa miye ate. Papa, oh, nyanyele nise wanika, eh. Papa, oh, papa, oh, gagne ta qui se wanika, eh. Toda la bunya, eh, d'ici beni pe. Aye wonja ye, e ma waponi mutango. To wumananga, d'ici beni pe. Aye o papa mo, o tombi se mule manjo. Ma koni mongo, ma boli wa maleya. Aye o papa mo. Pondé mutamanyaka nambia mwese pe muma wolo topo ayi o papa mo o tombe se mule manjo papa o papa mie ate papa o janyele mi se wanika e papa o papa mie ate papa o janye taki se wanika. Baila, baila, baila. Canne à sucre salsa. C'est mon ya brabiso, papa mo wongwande. Take mon en brabiso, papa mo de ton de di, ton de di, ton de di, ton de di, ton de di. C'est mon ya brabiso, papa mo wongwande. Take mon en brabiso, papa mo de ton de di, ton de di, ton de di, ton de di, ton de di, ton de di. Take mo nyabwa biso Bombade Kamunja ngomo ama wadi boa e Bombade Kabana bongo basi malape sukudu Bombade Yo papa monde tonde di Bombade Bombade, Bombade, Bombade, Bombade. Papa Manu, Bombade, Bene na take monya babiso, Bombade, Kamunja ngomo ama wodi boa e, Bombade, Kabana bongo basi mala besu kudu, Bombade, Yo papa monde tonde di. Ouais, papa, ici Malay. Quand on est, na tout bien na aussi, na tout bien. Quand on est.